Alerte rouge, alerte rouge, c'est l'apocalypse qui s'en vient. Avec des barres noires. Ben, l'alerte, pas Oh, l'apocalypse. l'alerte, Non, ouais. alerte rouge avec des barres mauves. Mauve. Mauve. Est-ce que Gaz. le... Ouais. Est-ce que l'apocalypse avec des barres mauves, ça se pourrait? Je sais pas. C'est matière à réflexion, moi, je trouve. Bon, ouais, bonjour à tous. Ouais. Ici, Narf et Oli. On n'a pas dit qu'il fallait comme faire comme s'il n'y avait pas de micro. On n'a Ah, on a rien dit dit ça? finalement. On n'a jamais dit ça. Je vous l'ai demandé au premier, puis vous m'avez rien dit. La première fois que j'ai été On a là. dit que des fois oui, puis des fois non. Tu vois, comme là, on est en train de se parler, puis on est oubliant le micro, même si on a parlé au micro au début. C'est compliqué. Ouais, c'est On compliqué. devrait les enregistrer, pas de micro. Ouais. Peut-être un petit retour sur le podcast des 16 minutes de l'apocalypse précédente. Il s'est Oh, pas... notre très excellent dernier podcast, là, il y a 2 semaines. Ben, il s'est passé des choses assez incroyables, j'avoue. Ben Ou des choses plutôt désastreuses, surtout. oui. Dire, la princesse de Legend of Kaguya s'est fait enlever au moins 5 fois pendant les 15 minutes. Ah ouais. Ton frère, il est bon. Non, c'est la princesse qui est conne parce qu'elle se fait enlever après chaque tableau. Ah, pas Parce que vrai? tu la sauves à la fin de chaque tableau. Ah ouais. C'est bien weird. Ton frère, pourquoi que tu penses qu'il voulait pas embarquer sur le téléphone avec nous? Ça aurait été tellement hot, on aurait pu être quatre à vivre l'apocalypse simultanément. Bon, Puis il aurait je peut-être dit moins de niaiserie. Ou ben, au moins on aurait pu prendre part à ces sais niaiseries. Parce que là, ça a été assez désastreux, pas. Ouais, moi je c'était trouve. assez mauvais. Alors on se promet de ne plus recommencer. Ouais. Et parmi les autres choses, tu sais, il y a d'autres choses qu'on veut changer, je pense. Comme rendre ça le fun. Ouais, là, ça c'est notre grand problème. On réfléchit à comment rendre l'apocalypse le fun. C'est assez déplaisant en partant. Si au moins on pouvait s'arranger pour que les 16 minutes avant l'apocalypse soient le Pas fun, plate. ben ça serait un bon moyen de... T'sais, qu'on pourrait se dire au moins mes 16 dernières minutes de vie étaient le fun. On est mal parti à Mais date. moi j'ai pensé, c'est la fin, je pense, qui vient tout Tu bousiller. trouves? Non? Moi, je trouve que ça commence au début puis que ça finit à la fin. Ah, être pas fait, être pas bon. Mais non, Pas mais toujours, là, mais souvent. non, mais je parlais de la dernière minute. La dernière minute, parce que tu sais, après que le micro-ondes de la mort. Ça fait 4 épisodes qu'on n'a plus de micro-ondes. Non, on l'avait la dernière fois. Dernière fois, on n'a pas Étant fait. donné que ça fait 4 épisodes qu'on a fait, puis qu'il y en avait 3 avec un micro-ondes, ça peut pas faire 4 épisodes qu'on a plus de micro-ondes. Puis Ça fait 4 semaines d'abord. il y avait un épisode qu'on n'avait pas de micro-ondes, on avait le iPod Touch de la mort. Oui. Ouais. Bon. Mais là, on a un micro-ondes de la mort. Et puis, il va Il est bien exploser. intelligent en plus. Ah ouais? Ah, mais oui, c'est écrit smart dessus. Mais ouais, mais moi, ce que j'ai pensé, c'est que la dernière minute, Ouais. on va. J'ai perdu mon idée. Ouais, non, on va juste finir. Au lieu de comme De se timer. l'étirer, Ah, ouais, tu si ça sais, fait moins qu'une minute, ça fait moins qu'une je veux minute. dire, quand ça sonne, ça veut dire que ça fait 15 minutes, ça finit, puis ça fait que genre, ok, on finit nos phrases, puis c'est tout, bye, on s'en va. Puis si on arrête à 15 minutes, parce que de toute façon, avec l'intro du début, attention, c'est l'apocalypse, puis la musique, puis l'explosion à la fin, ça faisait tout le temps comme 16 minutes 27, 16 minutes 30, fait que je trouvais ça poche. Je sais pas, moi je trouve pas que c'est la dernière minute le problème. Mais on peut conclure quand on est prêt à conclure, c'est sûr. Ça va juste finir plus vite à être plate. Ça va être plate moins longtemps. Ça va achever la torture. C'est comme, il y a la torture de la platitude, puis là, ben, tu pognes un couteau, puis là, tu l'achèves. Ok, fait qu'on vient pas de régler le problème, mais on vient de le raccourcir. Ouais. Est-ce que on a parlé de Morse tantôt? Non. Mais non, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas parlé ou c'est parce qu'on va en parler? Parce qu'on n'a pas Je sais enregistré? plus. Tu l'as-tu mis sur la feuille de route? C'est quoi ta chronique? C'est pas moi en tout cas. Ah, t'as pas de David n'en chronique? parle pas? Non. Je sais plus. Ouais, bon, ben, juste pour dire, c'est parce qu'on a enregistré les podcasts quêtes tantôt. Les podcasts 4. Ouais, les pod... Non, les podcasts quêtes, épisode 4 à 6, qui En vont... fait, on a enregistré le 4. Oui, mais ça, eux autres, ils savent pas. Ah. Ouais, J'essayais de non, masquer à le... 6. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et là, ça, David va faire le montage de tout ça, ben, de la première. pour sortir lundi prochain, mais en attendant, on peut vous donner comme des spoilers. Mais il faudrait vérifier si on en parle, parce qu'il faut pas voler la chronique à David s'il parle de ça. En tout cas, ben, ouais. Mais de quoi il parle, tu l'as pas? Je sais pas, c'est parce que j'ai mentionné un couteau tantôt, là ça m'a fait penser au film d'hier. Ouais. Ok, il a pas aimé. Non, c'est pas vrai que je l'ai pas aimé, c'est super bon. J'ai bien aimé la grimace que tu viens de faire. Je te parlais de couteau. Non, il était super bon le film. Eh ouais, il y avait beaucoup de sangria. Ta gueule. Il y avait, tu sais, Oli, tu sais, il faut pas perdre ton sang-froid. Oli, aurais-tu peur du sang? Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai vu à l'université aujourd'hui? Oui, je sais, je l'ai vu. La collecte de sang? Oh ouais, je sais. Ben, c'est pas grave. Combien de litres qu'ils ont ramassé? Ils en ont ramassé 100 000 litres. Ouais, c'est beau les jeux de mots, c'est beau. Puis il s'était certifié sans sida dans chacun. Et là, il va falloir que tu comprennes quelque chose, c'est que le mot sans, là, j'en ai rien à foutre. Moi, je trouve ça très drôle. ça te fait pas peur? Non. Puis dans le film hier, il y avait du sang. Ouais. C'est tout? Ouais. Pourquoi tantôt je parle de couteau pis tu fais comme... Comme ben, un frisson. Tu te coupais à la main à un moment donné. Je veux dire, ouais, tu sais, je coupe dans la main. Imagine, tu te coupé la paume. Ah, okay. Moi aussi, ça fait c'est de mal. C'est tellement sensible, là. Ok, mais on parle pas de ça. Ça, ou bien, tu te coupé le derrière de la cheville, là. Ah, pourquoi tu parles de ça? Tu sais, comme dans Kill Bill, elle fait ça, là. Fait ça? Puis là, elle fait ça à un gars. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, oh, ça doit faire mal! Dans Kill Bill, elle fait ça? Ouais, au début. Début. J'ai pas vu. Lequel? Le 1, le 2? Au début du 1. Celui quand elle sort du coma. Quand elle sort du coma, là. Elle coupe une cheville de quelqu'un. Le gars, ouais, mais. Tu t'écouteras, elle coupe pas pour le fun, là. Ah non? Ben. Ça me fait penser que j'ai des nouveaux souliers pour remplacer les souliers avec méga trous. En tout cas, ils sont pas dans tes pieds. Non, mais j'ai... Ah, t'as juste les trous dans tes... C'est parce que ça, c'était souliers en méga trous, puis il restait juste du trou. Ça vient de me faire penser à quelque chose, mais c'est un spoiler de Mother 3. Ah, ben je veux pas savoir. Je vais pas te le dire d'abord. Mais non, j'ai acheté des nouveaux souliers parce que mes souliers d'avant, je veux dire, il y a une des semelles qui a été rendue arrachée à moitié. Fait que comme il y a beaucoup de neige, puis de pluie, puis de bouette ces temps-ci, c'était pas le fun de marcher dans avec ça. Alors j'ai acheté des nouveaux souliers et hier, je suis revenu du film avec Arnaud. Mm-hmm. Là, pour économiser sur le métro, j'ai pas pris le métro à partir de Villa Maria jusqu'aux résidences, donc... Non, mais t'avais déjà pris l'autobus? Ouais, mais ça m'amenait à Villa Maria. Non, mais t'avais pas de transfert? Non. Ah oh, non, parce que la machine était pétée. Fait que j'avais pas mis de billet dedans. Ah, fait que tu voulais juste pas payer. Fait que là, j'ai économisé un de mes précieux billets à 2 piastres. Fait que la machine était pétée, fait que le chauffeur a dit, ben là, tu peux pas mettre ton billet. Bon, ok. Puis là, après ça, rendu à Villa Maria, ben j'ai pas pris le métro. T'aurais dû sortir avant Villa Maria d'abord. Ah ouais? Oh, pas bien. Mais j'aurais été perdu. Je sais pas. Non, c'est soir. En tout cas, moi, je l'avais déjà fait. J'avais déjà marché de l'Arnaud jusqu'aux résidences. Non, ouais, non, c'était une méchante trotte. Ah ouais? Ben, de Arnaud aux résidences, c'est 1h15. Là, ça m'a pris 45 minutes. T'es gratuit en maudit. Non, mais ça me fait pas une petite marche. Ça me faisait... J'ai réfléchi à mon scénario que je tendrais à écrire. Ouais, il y en a un qui traîne dans les marches, d'ailleurs. Hein? Ouais, j'ai trouvé un scénario sur le bord en haut, là. Ah, ouais, non, mais ça, c'est pas le... Tu parlais de duct tape. De duct tape? Ouais, il y avait une affaire de coller avec du duct tape. Ah, ouais, non, ça, ça n'a pas rapport. C'est juste... C'est juste parce que l'appartement est en ruine, fait que la porte de l'ascenseur, c'est écrit des petits oui, avec une pancarte collée au duct tape. Ouais, ça, je la trouvais drôle, ça. Mais je veux dire, c'était pas drôle. Le scénario est pas drôle, même si le prof, il le trouvait drôle. Il dit, on rit jaune dans ton affaire. Puis je suis là comme, oui, mais non, mais c'est pas drôle, mon scénario. Il dit, oui, mais on rit jaune. Puis là, il m'explique 2-3 affaires, je dis, ok, ouais, ok, je comprends. Tu sais, c'est pas drôle, mais c'est tellement weird qu'on... C'est pas assez weird, parce que c'est pathétique. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont tellement pathétiques que... Ben, il y a un de mes personnages qui était comme ça. Le personnage de comment je l'appelle? Gaz. Non. Non, là, je me mélange avec Gaara dans Naruto. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, c'était Gura. Je sais parce que c'était grand. Gura. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom. Yeah. Là, on cherche les noms où ce qu'on peut. J'ai réussi à trouver des noms. Ah, non, c'est vraiment chiant à trouver des noms, là. C'est dur. En tout cas, Essaye d'en trouver, puis là, tu vas être original, mais pas trop, parce que sinon, ça devient con, là. ben, en tout cas, ce personnage-là s'appelait Goura et il était grand. Comme dans, il avait des jambes deux fois plus grandes qu'une humaine normale. Ok. Mais à part ça, il était bien correct. C'est juste qu'à cause de ses maudites de grandes jambes, son appartement, il saccotait partout, puis il fonçait partout. Il était très maladroit, puis c'était très pathétique, cette bout-là. Tu parlais de pathétique tantôt. Ça m'a Ouais. fait penser à ça. Ok. Puis, à un moment donné, ça finit, genre, il perd connaissance une fois, puis là, après ça, il se réveille avec des grands, grands bras. Puis là, il s'enfarge, il tombe dans son bain, puis il décide de rester là. Parce qu'il est tanné. Spécial. Ben, c'était pas mal spécial, ce Ben, il scénario-là. s'en fâche parce que... Il s'enfarge dans la vaisselle. Puis là, il perd connaissance. Puis en se réveillant, il a des grands, grands bras. Puis là, avec ses grands, grands bras, il s'en va chercher des Tylenol parce qu'il a mal. Mais le concept, c'est qu'il a pas vraiment mal. Parce que tous les personnages dans ce scénario-là, c'est des personnages. C'est pas des vraies personnes. Fait Pas qu'il y a sûr pas... de Ben, c'est que comprendre. lui, il vient de se péter à la gueule, il a du sang un peu, du sang. Puis il a la lèvre toute pétée, ou le front, je sais plus, hein, j'ai écrit quelque chose. Une partie de son anatomie. Ouais, qu'il y a du sang qui coule. Fait que là, il a mal, mais il a pas mal. Il fait juste montrer, il fait juste dire, ah, oh, ouch, j'ai mal. Mais Okay. avec autant d'intonation que je viens de le faire. Puis c'est juste. C'est plus une constatation. Ouais, parce qu'il a pas mal, c'est un personnage. Il fait juste comme mon, il fait juste démontrer au public, j'ai mal, puis il est pas très bon acteur. Mais ça, l'idée m'était venue de mon petit cousin. Mon petit cousin, comment il s'appelle? Je sais plus lequel. Nicolas, ouais. Pas ton frère, un autre Nicolas. Je sais pas, il y avait à peu près un an et demi, je pense, sa mère, donc ma tante, ouais, m'a dit, ah, Nicolas, il est drôle, il court, puis là, il est rendu juste à... Avant, il y avait... Les autres, ils ont un comptoir. Ouais. Puis avant, il passait en dessous. Là, il se pète la Puis gueule. maintenant, quand il essaye de passer, il fait comme... Poum! Ouch! Puis il continue. Ah, il continue. Ouais, Oui, il fait pareil comme... que... Poum! Ouch! Puis quand elle m'a dit ça, il disait ouch comme si... Il dit ouch parce que, ben, quand on se cogne, on dit ouch. Il y avait pas mal. Puis c'est ça que j'ai fait dans mon personnage, c'est que le Goura, il se pète la gueule partout, mais il a pas mal. Il fait juste dire ouch parce que c'est la convention de quand on a mal. Quand on se frappe, on dit ouch. Spécial. Ça, c'était une des affaires spéciales qu'il y avait dans ce scénario-là. Parce que quand tu disais ton petit cousin qui se pète le front sur le poing, Ouais. moi ça a l'air que quand j'ai commencé à marcher quand j'étais jeune, là, je me suis pété la gueule sur un coin de table, puis après ça m'a pris ben du temps avant que je recommence à marcher. Oh. Moi, ma Fait mère que... m'a raconté tantôt que j'ai déjà tombé puis me suis pété un œil sur un coin de chauffage. Tu sais, Ouch. les plaques de chauffage avec Oh, des ouais. coins pointus, Oh. là. Ouais. Puis après ça, ben là, elle a raconté, puis là, on racontait genre toutes les blessures qu'on a eues quand on était petit. Laurence, elle a fait une commotion cérébrale en tombant de la table. Ensuite, Guillaume, c'était à peu près toutes ses blessures, c'est toutes de ma faute. À part une, qu'il était dans un magasin, il sortait des toilettes en courant, puis la porte, il y avait, tu sais, les portes, des fois, sur le bas de la porte, à 2 pieds du sol, genre, il y a comme une trappe pour de la ventilation, j'imagine, à travers la porte. Sauf que là, la grille était pas posée. Il est passé à travers. Fait qu'il a couru, puis il s'en allait pousser dans la porte, mais il n'y avait pas de porte à cette place-là. Fait qu'il a passé à travers, il est tombé, puis il s'est pété la gueule. Mais ça, c'est la seule fois où il s'est fait mal, puis que c'était pas de ma faute. À part ça, je l'ai poussé en poussette, en donnant des gros élans à la poussette et en la lâchant. Puis elle a foncé dans une bande de trottoir, puis elle a viré de bord. Oh non. Je l'ai échappé un nombre incalculable de fois. Guillaume et Anne-Sophie, je les ai échappés souvent. J'étais petit, là, à Ben l'époque. oui. J'y prenais, j'y swingais un peu, puis ils se débattaient un peu, puis bang en terre. Oups! Ce qui est J'ai drôle, c'est juste... qu'Anne-Sophie, pendant longtemps, là, elle voulait plus que je la Elle prenne, là, parce avait qu'elle peur. avait peur de moi. Là, je m'excuse de t'interrompre dans tes... Parce que je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, puis on avait juste... C'est parce qu'on... Je pense que t'avais un nom aux lettres, que tu voulais parler, je sais pas Ah! pourquoi. Vite, vite, il Oui! te reste 30 secondes. Oh, c'est pas grave, ça prend pas beaucoup de temps. Ok. J'ai reçu cette semaine une carte d'électeur pour les élections du 8 décembre qui s'en viennent. Et puis, j'ai reçu ça à mes résidences. Puis aux résidences, ben, la boîte à mal a appartenu à pas mal de personnes avant moi. Alors, j'ai reçu une carte au nom de... Monsieur Méchant. C'est Ouais, hein, c'est un peu méchant. Mais on s'en fout, je vais le dire pareil. Oh, ça va sonner. Oh, oh, quel bruit de micro-ondes réaliste. Là, il ne reste pas grand temps, Bon, je vais madame. juste finir de le dire. C'est Slim Fourati. Mais c'est méchant de. En tout cas, il nous écoute pas. Je pense pas, non. Écoute, check comment ça s'écrit. Oh, personne ne peut le voir. Bon, alors, il y a quelqu'un avec un nom laid, puis je disais ça un peu en réponse à. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans comme le deux ou troisième podcast qu'on avait fait au début. Les premiers Les que j'ai premiers, pas écoutés. que t'as pas écouté, je pense. Il y a un moment donné, moi puis David, on riait d'une personne avec un nom, puis là on disait, oh, on va pas la nommer, puis là on disait, Lisette. Ah, Lisette, c'est un nom lettre. Maudit, c'est laid, ça. Lisette. Fait que c'était en lien avec Fait ça, que je voulais faire un un an plus lien avec tard, ça. genre. Et écoute, j'ai trouvé ça dans ma boîte à mal, puis je pouvais pas éviter d'en parler. Ok, ben là, on va Alors, péter sur notre ce, minute, là, si on je continue pense de même. qu'on a pas mal Tant terminé. qu'on meurt. Alors, c'était Narf Ouais, puis Ali. et Ellie Puis on meurt encore. qui Écœuré. explosent, mais on t'écœure de mourir. Boum. Boum. Aujourd'hui, je pense que je vais pas mettre de but d'explosion.